jamais je ne pourrai me pavaner devant l'air éberlué d'un de ces jeunes casse-pieds. Pour me débarrasser de cette odeur de cramé, je me suis enfermée dans le frigo du boucher. Plus jamais je n'entendrai parler de ma tête atrophiée.